Poursuivons donc notre lecture cette année de l'Évangile de Saint Matthieu, cet Évangile qui s'adresse d'abord aux Juifs pour les conforter dans leur nouvelle foi chrétienne, pour leur confirmer que Jésus est celui que les prophètes avaient annoncé, qui vient accomplir les Écritures, et c'est lui qui vient aussi donner à la loi de Moïse sa plénitude. Nous sommes donc dans ce premier grand discours de Jésus, le discours sur la montagne que nous écoutons depuis plusieurs semaines, qui a commencé avec les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Tout ce sermon, d'une certaine manière, est un commentaire de cette première béatitude et nous en avons une belle illustration ici. Jésus nous mène peu à peu au cœur de l'Évangile. La semaine dernière, il nous parlait de l'amour des ennemis et de la non-violence, si on peut dire, évangélique, pour faire reculer le mal et faire avancer le bien. Aujourd'hui, il nous parle de son Père et il nous rappelle que nous sommes ses créatures et qu'il prend soin de nous. Il nous interroge sur cette foi filiale. Avons-nous vraiment confiance dans la providence de Dieu? Ne vous souciez pas pour votre vie de quoi vous mangerez, etc., pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Ne vous souciez pas. C'est un grand problème humain, le souci. Ça nous ronge si facilement. Bien sûr, Jésus ne nous dit pas que nous ne devons pas avoir le souci. On a tous le souci de prendre nos responsabilités, que l'on soit père, mère, éducateur, quelles que soient nos fonctions, nos responsabilités, nous en avons le souci. Mais Jésus ne voudrait pas que nous nous fassions du souci. Quand nous passons de l'un à l'autre, ça veut dire que, au fond, nous avons comme repris possession de notre vie, que nous en sommes le gérant, l'acteur. Et du coup, nous mettons de côté, nous mettons à la porte de notre vie le Père qui est Providence. Et c'est ce qui nous distingue des païens ou des non-croyants d'aujourd'hui, c'est que nous croyons que tout ce que nous le recevons de la main de Dieu. Alors, notre corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, etc. Jésus nous montre l'ordre de la création comme une référence de cette harmonie. Mais dans cette création, l'homme et la femme ont été blessés par le péché et il s'est produit un désordre, ce qui veut dire que ce qui était central est devenu périphérique et ce qui est périphérique est devenu central. Naturellement, si nous n'étions pas marqués par le péché, nous rechercherions l'amour de Dieu par-dessus tout, parce que nous saurions qu'il est le plus grand bien. Et dans l'ordre des choses, nous rechercherions ce qui vient après, notre sécurité matérielle. Mais curieusement, l'ordre s'est inversé. Nous sommes si facilement préoccupés par le matériel et le souci, et l'aspect spirituel de notre vie prend la seconde place. Alors cet évangile vient nous corriger patiemment pour que nous nous recentrions. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, vous ne pouvez pas être esclave de cette recherche perpétuelle de sécurité et de bien-être. J'ai connu un couple qui a fréquenté cette paroisse longtemps, qui a divorcé après 25 ans de mariage. Et l'homme, l'époux, m'a fait cette confidence. Il m'a dit, quand on s'est marié, on s'est dit, on va avoir une grosse maison, un chalet au lac Saint-Joseph, un gros yacht et un condo en Floride. Et c'est sur cet objectif qu'ils sont partis. Et puis, évidemment, ça a craqué. Parce que c'est exactement l'inverse de la recherche du royaume de Dieu et sa justice. On a pensé que le bien-être matériel allait produire comme une cause à effet le bonheur lui-même. On s'est trompé dans l'ordre des choses. Jésus nous invite à rechercher les vrais biens dans le royaume des cieux. Et nous savons que ces vrais biens sont dans nos relations, notre relation d'abord avec Dieu et la relation avec le prochain, avec nous-mêmes. C'est là que nous trouvons la nourriture de notre bonheur. Le reste est ordonné à cela, c'est-à-dire la sécurité, le bien-être, qui sont nécessaires. Jésus n'est pas un rêveur, ce n'est pas un hippie, peace and love, ce n'est pas quelqu'un qui nous dit de vivre d'amour et d'eau fraîche. Il veut que nous mettions les choses dans l'ordre. Et quand nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice, quand nous le mettrons au centre, eh bien, il se produit une simplification de notre vie. Parce que la recherche de la vérité et de l'amour qui sont en Dieu remettent les choses dans l'ordre et comme spontanément, on se sent moins le besoin de courir dans tous les sens pour satisfaire toutes sortes de besoins que la société de consommation ne cesse de vouloir créer dans nos cœurs et dans nos sens. Je prépare un jeune couple au mariage et quand ils se sont fréquentés, la jeune fille lui a dit « Moi, je cherche un homme qui veut mettre dans notre mariage Dieu au centre. » Et ça a résonné dans le cœur du jeune homme parce qu'il dit « C'est exactement ce que je recherche. » Tous les deux font une belle carrière. Ils auront certainement une certaine aisance matérielle. Mais ça traduit bien ce qui est l'esprit de Jésus-Christ. Le problème n'est pas dans l'accumulation des biens matériels. Le matérialisme, ce n'est pas le fait de gens qui ont un certain niveau de vie. Le matérialisme, au fond, c'est quand on n'a plus de vie spirituelle. Quand le seul horizon de notre existence est dans la chair et la matière. Or, c'est cela le paradigme de notre société moderne. C'est cela que c'est la pensée unique d'aujourd'hui, c'est que la vie, eh bien, vaut la peine d'être vécue s'il y a du plaisir, de la performance, etc. Quand ça commence à aller mal et la souffrance, eh bien, aujourd'hui, on nous propose l'euthanasie, c'est-à-dire que la vie n'est plus une jouissance, alors débarrassons-nous-en. C'est la même chose pour l'avortement. Ce qu'on ne voit pas, ce qui ne peut pas crier, on l'élimine facilement parce que tout est dans la chair et dans la matière. Et cela vide le monde de l'intérieur. On crée des sociétés dépressives, des couples qui divorcent, des gens qui désespèrent et des grands consommateurs d'antidépresseurs. Hier, j'ai rencontré un homme qui a fait beaucoup de voyages humanitaires et il travaillait aussi avec un médecin, et ils étaient effarés de me dire, il dit, les gens dans les pays pauvres sont plus heureux que nous. Et des vraies pauvretés, ils en ont rencontré, et même des misères. Comme c'est choquant d'entendre cela dans nos sociétés qui sont si avancées, qui nous donnent l'accès à l'éducation, à la santé, à toutes sortes de choses, de voir qu'en fait, ce progrès matériel dans le monde occidental, en fait, ne s'est pas accompagné d'un progrès spirituel. Parce que le progrès matériel est une bonne chose. Mais, curieusement, il se fait contre l'esprit. C'est étonnant. Alors, cela exige de nous une vigilance toute particulière dans un monde d'abondance, et bien que nous vivions dans cet équilibre du royaume des cieux. Et cette recherche du royaume suppose que nous ayons une vie spirituelle, que nous donnions du temps pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir les sacrements, pour remettre ce qui est central au centre et ce qui est périphérique en périphérie, et que l'harmonie du royaume de Dieu puisse se réaliser. Une des clés aussi de cette recherche du royaume, c'est la louange et l'action de grâce. Quand nous remercions Dieu pour toutes choses et même pour les difficultés, eh bien, nous nous mettons dans une relation verticale de grâce et d'action de grâce. Et c'est cela qui est juste. Rappelez-vous que Jésus lui-même a fait l'expérience de la pénurie. Vous vous rappelez quand? Il ne restait que 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une foule au désert. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, j'ai ma théorie là-dessus, c'est que vous savez, au lieu de bénir comme ça, il a béni comme ça. Parce que ça a multiplié les pains, c'est pas vrai. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris les 5 pains et les 2 poissons et il a rendu grâce. Il a remercié son Père céleste. Et de cette action de grâce est venue l'abondance. Et tous ont mangé. Il y a eu 12 couffins de pain. Il paraît qu'ils ont mangé du pudding au pain pendant 6 mois à Nazareth. Donc, vous voyez, cette relation verticale est source d'abondance dans notre vie. Si nous laissons Jésus au centre de notre existence, eh bien, nous passons d'avoir du souci à avoir le souci, à prendre nos responsabilités. Et non seulement les choses nous viendront d'abondance, mais nous les recevrons de Dieu lui-même dans la joie et l'action de grâce. Amen.